生のマストリンバージュ。お祭りはでもキラポのせい、サポの結果しょせむしぼれせい、que le plus ma jeunesse sera pour ton ramage. Quel dommage, à moins que l'homme ait eu entière carte blanche. Afin d'organiser le monde à sa façon, c'est vrai que dominer est une tentation. Lorsqu'on vous a laissé tout est des coups d'étrange. Ma liberté à moi n'est pas de tuer les autres. Ma liberté à moi n'est pas de leur faire peur. Ma liberté à moi n'est pas de la torture. Ma liberté à moi, c'est mon choix, pas les autres. Ma liberté à moi, c'est pas de la torture. Ma liberté à moi, c'est mon choix, pas les autres. Pas les autres. Bonsoir, parlons-en de votre noble cause. Au nom de qui vous a fixé le monde entier. Au nom de qui vous a fait tuer l'amitié. Il faut pour la servir. Attriser l'univose. Je suis pas, mais toi qui comme moi a pris un overdose. Ceux qui hurlent à la mort, des déchets ou des loups. Ce dont les vérités suscitent sont les goûts. Pour chanter sans refus, voilà ce que je te propose. Ma liberté à moi n'est pas de tuer les autres. Ma liberté à moi n'est pas de leur faire peur. Ma liberté à moi n'est pas de la torture. Ma liberté à moi, c'est mon choix, pas les autres. Ma liberté à moi, c'est pas de la torture. Ma liberté à moi, c'est mon choix, pas les autres. Pas les autres. Pas les autres.